إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 16 dans l'explication de la aqida des deux razi, les deux imams de la ville de Ray, qu'on appelle Ar-Raziyan, parce qu'ils venaient tous les deux de cette ville et ils vivaient à peu près à la même époque. Et c'est l'imam Abu Hatim Ar-Razi et l'imam Abu Zur'a. Abu Hatim et Abu Zur'a, qui sont deux parmi les plus grands imams des salafs. Et ils ont recueilli donc les éléments de l'aqida des salafs dans cette aqida et dans ce livre. Et ils ont énuméré donc les éléments qui font partie de cette aqida. Et les ulama d'Ahl Sunnah, ils prennent souvent le temps de clarifier et d'expliquer les significations de chaque point qui ont été mentionnés dans cette aqida et dans la aqida de d'autres également parmi les imams des salaf al-salih. Donc le point qu'on va mentionner aujourd'hui, le point dont on va parler aujourd'hui, c'est le point au sujet de la shafa'a, qui fait partie de l'aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et les salafs, ils ont une position bien spécifique et bien claire à ce sujet-là, qui oppose la position des gens de bid'a. Et parmi les gens qui ont dévié, parmi les sectes qui ont dévié au sujet de la shafa'a, il y a les groupes comme les Khawarij et également les Mu'tazila. Donc il y a d'autres groupes aussi qui ont dévié. Donc c'est très important de comprendre comme il faut la question de la shafa'a, de l'intercession, et de savoir qu'est-ce qui s'oppose à la vérité dans cette question-là. Et donc le sharh dont on lit l'explication, dont on lit les détails, c'est le sharh de Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah. Et c'est un sharh très bénéfique. Il y a beaucoup de choses très intéressantes et très importantes dedans, des points très très bénéfiques. Donc on profite donc de cette explication là de la part du sheikh. Le titre de l'explication du sheikh, c'est Qurratul Aynayn bi tawdih ma'ani aqidatul raziyin. Donc on commence tout de suite avec le point numéro 12, et on a expliqué au dernier cours que dans les points de cette aqida, on a dit qu'il y en a, il y a de nombreux points qui sont mentionnés dans la aqida, et il y en a à peu près 32, donc 32 à peu près, et de 16, le point 12 à 16, c'est le cheikh qui a rassemblé les explications de Cheikh Rabi' hafizahullah. Il explique que du point numéro 12 au point numéro 16, il n'avait pas les audios du sharh de Aqidatul Raziyin. Toutefois, étant donné que le Cheikh il a expliqué les points en question dans d'autres explications qu'il a fait de d'autres livres, comme par exemple le charh de Usul al-Sunnah de l'imam Ahmad et le charh de également Aqidat al-Salaf ou Ashab al-Hadith de l'imam al-Sabouni et d'autres également. Donc il a tiré des explications que Cheikh Rabi' avait données au sujet de ces points-là dans ces livres-là et il les a mis donc pour compléter le vide ou le manque qu'il y avait dans les points en question, les points 12 à 16, ça veut dire 4 points qui n'avaient pas été enregistrés. Donc, on commence tout de suite avec le point numéro 12. Il dit, le cheikh, les deux imams, Abu Hatim et Abu Zura, ils disent « وَالشَّفَاعَةُ حَقِّ وَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ يَخْرُجُونَ بِالشَّفَاعَةِ حَقِّ » Donc, la shafa'a, l'intercession, c'est quelque chose qui est vrai. Hein? C'est quelque chose de réel et de vrai. Et il dit que le fait que des gens, parmi les gens du tawhid, vont sortir de l'enfer, après y avoir été, par l'intercession... Alhamdulillah. Je m'excuse. Non. Donc des gens du Tawhid vont sortir de l'enfer par l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ça c'est quelque chose qui est vrai également, qui est réel et on va voir les détails à ce sujet Alhamdulillah ça va on va voir les détails à ce sujet Inch'Allah. Donc, le Cheikh Rabia, il a dit dans son explication de cette question de la shafa'a, dans son charh de la aqida des salafs et des gens du hadith de l'imam al-Sabouni, il a dit « وَمِنَ الْعَقَائِدَ الَّتِي يَجِبُ الْإِيمَانُ بِهَا أَيْضًا الْإِيمَانُ بِالشَّفَاعَةِ وَقَدْ وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ وَالسُنَّةِ الْحَدِيثِ عَنِ الشَّفَاعَةِ الشفاعة المنفية التي لا يمكن أن تكون ولا تقبل وهي الشفاعة في الكفار والشفاعة المثبتة للمؤمنين وكل ذلك جاء في القرآن وتحدثت عنه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بالأحاديث الصحيحة المتواترة فأهل السنة والجماعة يؤمنون بشفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام بل بشفاعة الأنبياء جميعا وشفاعة المؤمنين وشفاعة العلماء وشفاعة الشهداء إلى آخره. Donc le cheikh il commence hein, il explique à propos de l'intercession que ça fait partie des choses dont il est au sujet desquelles il est obligatoire d'y avoir la foi. C'est obligatoire de croire en la shafa'a, l'intercession. Et il a été rapporté dans le Coran et dans la Sunna des hadiths au sujet de l'intercession, il y en a de nombreux. Et il y a des hadiths, comme les ulama, comme le cheikh il le mentionne ici, hein, il y a deux catégories, hein, ou deux grandes catégories si on veut, par rapport à la shafa'a, c'est al-shafa'a al-muthbata et al-shafa'a al-manfiya. Al-shafa'a al-manfiya, ça veut dire, il y a la négation dans les textes du Coran et de la Sunna. Il y a l'intercession qui est niée, la négation de l'intercession, et il y a les textes qui affirment l'intercession. Et il faut savoir que entre les textes qui affirment et les textes qui nient l'intercession, il n'y a pas de contradiction. Parce que ce qui est affirmé pour l'un, c'est pas la même chose que ce qui est nié pour l'autre. Et donc le cheikh explique que il y a une intercession qui est niée pour certaines personnes, c'est-à-dire pour dire que ces gens-là, on a nié à leur sujet l'intercession dans le sens qu'ils n'auront pas le droit à cette intercession-là et qu'il n'est pas possible donc pour qu'il y ait pour eux une intercession quelconque et c'est la shafa'a pour les kuffars et les mushrikines. C'est-à-dire que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit il n'y aura pas d'intercession pour eux dans le Coran, il parle de qui? Il parle des mushrikines et des kuffars qui ont fait le shirk ou le kuf akbar, c'est-à-dire le shirk ou le kuf majeur, qui vont être dans l'enfer pour l'éternité, et donc aucune intercession ne sera acceptée pour cette catégorie-là. Tandis que l'intercession qui est affirmée, c'est l'intercession pour les mu'minines, pour les gens du tawhid. Et donc, c'est ça qui est mentionné dans le Coran, et c'est ça également qui est mentionné dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit qu'il y a des hadiths mutawatira et authentiques à ce sujet-là, c'est-à-dire qu'ils sont mentionnés en un très grand nombre de hadiths à ce sujet. Le cheikh il dit ensuite que les gens de Ahl Sunna wal Jama'a, ils croient en l'intercession du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et non seulement en l'intercession du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais en l'intercession de tous les prophètes, parce que les prophètes auront également une intercession, pas seulement le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais tous les prophètes d'Allah auront une intercession, et non seulement les prophètes mais aussi les mu'minoun, les croyants vont pouvoir intercéder pour certaines personnes, et également les ulama et les martyrs et ainsi de suite. Donc il y aura plusieurs intercessions au jour de la résurrection. Le cheikh il dit wa hunaka min al firaq min al firaq al dalla man yunkiru al shafa'a fi al muwahhidin wa yata'allaq bi nafy Allah tabaraka wa ta'ala yani al shafa'a allati takhussu al kuffar yani yata'allaq bi يعني نفي بنفي الله تبارك وتعالى الشفاعة التي تخص الكفار كما في قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين وقوله واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون هذه الشفاعة في الكفار لا تحصل أبدا ثم قال الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أي نعم. Donc le cheikh il explique qu'il y a des sectes égarées parmi les musulmans qui nient l'intercession des gens qui sont sur le tawhid, et ils s'accrochent à des versets qui nient l'intercession, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nie l'intercession, mais qui sont spécifiques aux kuffars. Mais eux, ils prennent ces versets-là comme si c'était des versets qui sont généraux pour nier l'intercession, même pour les gens du tawhid. Et ça, c'est une déformation du sens des versets en question. Comme par exemple le verset 48 dans Surat al-Muddassir, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et donc l'intercession des intercesseurs ne leur profitera pas, ne leur sera d'aucune utilité. Ça, c'est l'exemple de verset qu'ils utilisent. Et ça, en réalité, c'est à propos des kuffars et des mushrikin, et non pas à propos des gens du tawhid qui ont commis des péchés. Un autre exemple, c'est le verset 48 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que, justement, il y a négation de l'intercession dans ce verset-là, verset 48. Et il y a un autre verset aussi, dans la même sourate, c'est le verset 254 aussi. Donc le verset 48 et le verset 254. Dans le verset 48, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Et redoutez le jour où nulle âme ne suffira en quoi que ce soit à l'autre, où l'on n'acceptera d'elle aucune intercession et où on ne recevra d'elle aucune compensation et ils ne seront point secourus. » Donc ça, c'est l'exemple de ce genre de verset qu'ils utilisent. Puis aussi le verset dans la même sourate, sourate al-Baqarah, le verset 254, où Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Ô les croyants, dépensez de ce que nous vous avons attribué avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. » Et ce sont les mécréants qui sont les injustes. Donc, ça c'est un autre exemple aussi où Allah subhanahu wa ta'ala nie l'intercession. Et comme on l'a dit, comme le cheikh il le dit, ça c'est dans l'intercession pour les kuffars qui n'aura jamais lieu, parce qu'il n'y a pas d'intercession pour les kuffars. Toutefois, il dit, le cheikh, après le verset en question, après le verset 254, dans Surat al-Baqarah, le verset qui suit, c'est le verset de Ayatul Kursi, le verset de Al-Kursi. Donc, c'est le plus grand verset dans le Coran. Et c'est le verset 255. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, ce qui signifie, Allah, rien ne mérite d'être adoré à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum, ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent, à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Donc, ça c'est pour montrer que Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une intercession et nul ne peut intercéder auprès de lui excepté par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a une intercession qui est niée, il y a une intercession qui est affirmée aussi. Donc, le Cheikh il dit فَالشَّفَاعَةُ الْأُولَى مَنْفِيَّةٌ تَمَامًا وَالشَّفَاعَةُ الثَّانِيَةَ تَحْصُلُ بِإِذْنِ اللَّهِ وَبِأَمْرِهِ لِلْمُؤْمِنِينَ الْمُوَحِّدِينَ ولا يستطيع أحد أن يتقدم بين يديه ليشفع عنده من تلقاء نفسه بل لا بد فيها من الإذن ولا بد فيها من إذن للشافع والرضا عنه ولا بد فيها من الرضا عن المشفوع فيه ولا يرضى الله إلا عن الموحدين فيقبل فيهم شفاعة الشافعين بعد الاستئذان والإذن من الله والإذن من الله نعم. Donc le cheikh il dit la première intercession qu'on a mentionnée dans les versets c'est l'intercession qui est niée et la deuxième c'est l'intercession qui est affirmée et qui va se produire uniquement par la permission d'Allah et par son commandement pour les mu'minin, pour les croyants, muwahhidin, c'est-à-dire ceux qui sont sur le tawhid et qui unifient Allah, qui n'associent rien avec lui dans l'adoration. Et naam, c'est ça. C'est qu'il y a l'intercession qui est niée, comme je disais, dans les versets qu'on a lus plus tôt. Et ça, c'est une intercession qui est niée. Pour qui? Pour les mushrikines et les kuffars. Tandis qu'il y a une autre intercession dans d'autres versets qui est affirmée par la permission d'Allah et avec la permission d'Allah, et ça c'est l'intercession pour avec la permission d'Allah pour les croyants muwahhidin, c'est-à-dire ceux qui sont sur le tawhid, qui n'ont rien associé avec Allah, qui n'ont pas commis de shirk. Et il dit qu'il y a personne qui peut s'avancer devant Allah pour demander l'intercession pour quelqu'un de lui-même. Il faut qu'il demande en premier qu'il faut qu'il ait la permission d'intercéder. Et il faut absolument qu'il donne la permission à l'intercesseur avant et qu'il soit satisfait de cet intercesseur. Il faut qu'il donne la permission à l'intercesseur et qu'il soit satisfait de cet intercesseur. Et il faut aussi qu'il soit satisfait de la personne en faveur de qui on intercède. Ça veut dire l'intercesseur ne peut pas intercéder pour celui qu'il veut. Il peut uniquement intercéder pour celui que Allah a agréé. Et il peut uniquement intercéder si Allah l'a agréé lui-même. D'accord? Et qu'il a eu sa permission d'intercéder. Donc c'est pas ouvert comme ça. Naam. Exactement. L'intercession qui est niée, c'est uniquement pour les mushrikines et les kuffars, ceux qui ont commis du shirk majeur et du kuf majeur. Tandis que l'intercession qui est affirmée, c'est l'intercession qui est affirmée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les croyants et pour les gens qui sont sur le tawhid, même s'ils font partie des pécheurs. Et vous allez voir les hadiths que le cheikh a mentionné par la suite, que même quelqu'un qui a une atome de foi va sortir de l'enfer. Donc c'est pour dire que même si la personne en question elle a commis beaucoup de péchés, du moment qu'elle n'a pas commis de shirk majeur ou de kuf majeur, elle ne va pas rester éternellement en enfer. Si elle y est rentrée, elle va finir par en sortir lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va décider de l'en faire sortir. Et il dit ensuite que donc il faut que l'intercesseur lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala, l'est agréé, et il faut qu'il lui donne la permission d'intercéder, et il faut également que la personne en faveur de, duquel on veut intercéder soit aussi parmi ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a agréé. Et ça c'est, sinon il ne peut pas y avoir d'intercession. Et Allah ne sera jamais satisfait qu'on intercède pour quelqu'un qui ne fait pas partie des gens du Tawhid. Donc si c'est quelqu'un qui fait partie des gens du Tawhid, Allah sera satisfait de lui et va permettre qu'on intercède pour lui. Tandis que si c'est quelqu'un qui fait partie des gens du shirk, hein, et qui ont commis des formes de kufr majeur ou des formes de shirk majeur, eh bien ceux-là, on ne pourra pas intercéder pour eux. Allah ne va pas agréer non plus qu'on intercède pour eux. Et donc il dit, pour ces gens-là, l'intercession des intercesseurs ne sera pas possible. Mais pour les gens du Tawhid, elle sera possible, mais uniquement après que Allah ait donné sa permission. Uniquement après que Allah ait donné sa permission. Le Cheikh dit, فَفِي هَذَا السِّيَاقِ ذَكَرَ الشَّفَاعَ الْمَنْفِيَ عَنِ الْكَافِرِينَ وذكر الشفاعة الثابتة للمؤمنين ومع هذا يتعامل المعتزلة والخوارج ومن سار على نهجهم عن هذا البيان الواضح في سياق واحد في سورة البقرة وآية الكرسي وما قبلها ذكر شفاعتين يعني شفاعة منفية إطلاقا وشفاعة تحصل بعد إذن الله تبارك وتعالى فيكابرون كما هو شأن أهل الباطل والعياذ بالله. Donc le cheikh il dit que si tu regardes dans le contexte donc de qu'est-ce qui est mentionné dans les versets qu'on a cités dans sourate al-Baqara et dans ayat al-Kursi, tu vois que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne l'intercession qui est niée, hein, la négation de l'intercession pour les kafirines, pour les mécréens, et il mentionne l'intercession qui est affirmée pour les croyants par la suite dans Ayatul Kursi, et les Khawarij et les Mu'tazila restent aveugles malgré tout, et ils refusent de d'accepter ce qui est clair. Hein? Donc les Khawarij et les Mu'tazila restent aveuglés devant les preuves, ils refusent de les accepter, et tous ceux qui les suivent également, hein, et ils s'aveuglent et ils s'obstinent à renier l'intercession. Et donc si tu regardes dans le contexte de qu'est-ce qui est mentionné dans les versets de Surat al-Baqarah et dans le verset d'Ayat al-Kursi et ce qui est mentionné avant, on voit les deux intercessions mentionnées, celle qui est l'affirmation l'affirmation de l'intercession qui vient par la permission d'Allah, et la négation absolue de l'intercession pour les kafirines, comme on a dit. Mais bien entendu, les gens de la fausseté, c'est comme à leur habitude, ce sont des gens de la fausseté, et ils s'obstinent et ils s'enflent d'orgueil et refusent d'accepter qu'est-ce qui est clair et qu'est-ce qui est la vérité dans les textes du Coran et de la Sunna. Le Cheikh il dit ensuite, wa tahaddatha Allahu 'an ash-shafa'ati fi ayatin ukhra ايضا ومنها قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون وقال في سورة النجم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فهذه شفاعة مثبتة للمؤمنين لكنها مشروطة بالإذن فالملائكة مع كثرتهم ومكانتهم لا يشفعون إلا بعد إذن الله إلا لمن ارتضى وكذلك الأنبياء والصالحون من الصحابة وغيرهم كلهم يشفعون بعد إذن الله تبارك وتعالى. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il parle également dans plusieurs autres versets de l'intercession, Et il, on voit dans, également dans le verset 28, le verset 28, dans surat Al-Anbiya, les prophètes, surat des prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et ils ne peuvent, ils ne vont intercéder que pour celui que Allah a agréé, et ils sont hein, remplis de sa crainte. Hein, et ils sont remplis de sa crainte. Donc, ça c'est un exemple où on dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement que ils ne peuvent intercéder que pour ceux que Allah a agréé et dont il a été satisfait. Dans le verse, dans sourate An-Najm, le verset 26, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et combien d'anges dans les cieux, hein, dont l'intercession ne servira à rien, excepté après que Allah subhanahu wa ta'ala l'ait permis et pour celui qu'il a voulu et qu'il a agréé. Donc, les anges ne peuvent pas hein, intercéder pour qui ils veulent. Donc, il y a une intercession qui est affirmée pour les croyants, mais elle est sous condition. Et les conditions qui sont mentionnées, c'est que Allah le permette et qu'il l'agrée. Hein? Et il dit donc que les anges, malgré qu'ils sont très nombreux, malgré leur statut, hein, rapprochés d'Allah, ils ne peuvent intercéder auprès d'Allah que après avoir reçu la permission d'Allah d'intercéder, et excepté pour celui que Allah a agréé, c'est-à-dire pour ceux hein, qui étaient sur le tawhid et que Allah a agréé. Donc, subhanallah, on voit que le cheikh il dit la même chose, c'est la même chose également pour les prophètes et les hommes pieux parmi les sahaba. Ils ne pourront pas intercéder sans qu'ils aient auparavant reçu la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir intercéder. Après le cheikh il dit والرسول صلى الله عليه وسلم. Et un point pourquoi c'est important de mentionner que c'est uniquement après la permission d'Allah que les prophètes et les anges et les pieux vont pouvoir intercéder, c'est que ça nous ramène toujours à retourner à Allah subhanahu wa ta'ala pour demander l'intercession et non pas de demander l'intercession aux créatures elles-mêmes et aux prophètes eux-mêmes et aux anges eux-mêmes et aux messagers et aux hommes pieux, comme le font malheureusement certains parmi les ignorants et parmi les soufis. Au lieu de demander l'intercession à Allah seul, ils vont demander l'intercession au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou à un ange ou à un homme pieux dans sa tombe. Et ça c'est du shirk, hein, ça c'est du shirk. Et les ulama ils ont expliqué, quelqu'un pouvait demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam durant sa vie, quand il était vivant, quelqu'un pouvait dire au prophète, ô messager d'Allah, j'aimerais avoir ton intercession au jugement dernier, est-ce que tu pourras intercéder pour moi, hein? Mais tu ne peux pas lui demander après sa mort, excepté au jugement dernier où les croyants vont aller pour demander au prophète d'intercéder. Et comme on l'a déjà vu dans plusieurs cours, que chaque prophète va refuser, excepté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui va justement intercéder pour que le jugement soit établi. Et on va lire ce hadith-là justement maintenant. Donc le cheikh il dit والرسول صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث الكثيرة الثابتة عندما تشتد الأهوال يوم القيامة بالناس يطول انتظار الناس في الموقف يذهبون إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى ليشفعوا لهم عند الله عند ربهم في كشف هذا الغم والكرب فيعتذرون كلهم ويقول كل واحد منهم نفسي نفسي ثم يذهبون إليه صلى الله عليه وسلم فلا يشفع لهم صلى الله عليه وسلم إلا بعد الاستئذان وإذن الله له ولا يشفع ابتداء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون بما ذاك. Donc, le cheikh, il dit que le messager, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il va, il a mentionné plusieurs hadiths au sujet de l'intercession. Il y a plusieurs hadiths au sujet de l'intercession qui sont authentiques. Et il mentionne par exemple au jour de la résurrection, lorsque les gens seront terrorisés par la crainte du jugement dernier et qu'ils auront peur, hein, et qu'ils vont attendre une longue attente, hein, pour être jugés, et donc ils vont passer premièrement vers Adam, le père des hommes, pour lui demander d'intercéder. Puis il va refuser. Puis ensuite ils vont aller à Nuh, il va s'excuser. Et ils vont aller à Ibrahim, et il va s'excuser. Ils vont aller à Moussa, et il va s'excuser. Ils vont aller à Isa, et il va s'excuser. Et ils vont aller au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il intercède auprès de leur Seigneur, pour qu'il les délivre de cette situation difficile dans laquelle ils seront au jour de la résurrection. Et donc, après que tous les messagers se sont excusés de pouvoir intercéder, puisqu'ils ne pourront pas intercéder ce jour-là, eh bien, chacun d'entre eux va dire « moi », hein, en voulant dire « mon âme », chacun pense à lui, hein, parce qu'il ne peut pas penser à autre chose ce jour-là, eh bien, yani, ils vont aller vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne va pas intercéder pour eux, excepté après avoir reçu la permission de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir intercéder. Et l'intercession, hein, il ne pourra pas la faire de lui-même comme ça du premier coup. Il va commencer par demander la permission, hein, et il ne pourra pas intercéder excepté après avoir reçu la permission. Et donc, c'est rapporté dans le hadith authentique, selon Abi Huraira radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je serai le chef des hommes au jour de la résurrection. Et est-ce que vous savez pourquoi cela? Et il a expliqué, il a mentionné le long hadith. Donc on va le lire et puis on va faire la traduction au fur et à mesure. Donc le cheikh il dit yajma' Allahu yawm al-qiyamah al-awwalin wal-akhirin fi sa'id wahid. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il va réunir les premiers hommes et les derniers, le premier et les derniers des hommes dans un seul, sur un seul terrain au jour de la résurrection. Fa yasma' fa yusmi'uhum ad-da'i wa ينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون أو ما لا يطيقون وما لا يحتملون فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض ائتوا آدم فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول آدم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. Donc ça c'est l'exemple. Donc les gens, ils vont tous être réunis, hein, et ils vont entendre celui qui les appelle, hein, et le soleil sera rapproché de leur tête et ils vont être dans une détresse incroyable. Ils ne vont pas être capables de le supporter ni de le prendre. Ce sera trop dur et trop lourd pour eux. Cette attente sera terrible. Alors les gens vont se dire les uns aux autres, voyez-vous dans quel état vous êtes? Voyez-vous ce qui vous arrive, ce qui vous est arrivé? Hein? Ne trouvez-vous pas quelqu'un, ne regardez-vous pas ou ne cherchez-vous pas quelqu'un qui va intercéder pour vous auprès de votre Seigneur? Alors certaines personnes vont dire à d'autres, allez voir Adam. Alors ils vont aller voir Adam et ils vont dire à Adam, oh Adam, c'est toi le père des hommes. Allah t'a créé par sa main. et il a soufflé en toi son âme, de son âme, et il a ordonné aux anges de se prosterner pour toi. Alors intercède pour nous auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas dans quel état nous sommes? Ne vois-tu pas ce qui nous est arrivé? Alors ils vont, Adam va dire, certes mon Seigneur s'est mis en colère aujourd'hui d'une colère qu'il n'a jamais eue auparavant. Hein? Il n'a jamais eu une colère semblable à celle-ci auparavant, et il ne se remettra plus jamais en colère par la suite d'une colère semblable à celle-ci. Et il m'a interdit de manger de l'arbre, et malgré tout je lui ai désobéi. Hein? Alors il a dit, moi, allez vers quelqu'un d'autre que moi. Alors ils sont partis voir Nuh. Hein? فذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض وسماك الله عبدا شكورا واشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيأتون. Donc on va expliquer cette partie aussi, après on va expliquer le reste. Il a dit que ils sont partis voir Nuh, et donc ils arrivent devant le prophète, le messager Nuh. Et ils disent, « Oh Nuh, c'est toi le premier des messagers qui est venu sur la terre. Et Allah t'a appelé serviteur reconnaissant. Intercède pour nous auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas dans quel état nous sommes? Ne vois-tu pas ce qui nous arrive? » Et ils vont dire, il va leur dire, « Certes, mon Seigneur s'est mis aujourd'hui dans une colère. Hein, il ne s'est jamais mis d'une colère semblable auparavant. » Et il ne s'est jamais mis dans une colère semblable auparavant, et il ne sera jamais plus par la suite en colère après cette colère-là. Il ne sera plus jamais autant en colère par la suite qu'il l'est comme ce jour-là. Donc c'est pour dire que c'est la colère la plus grande qui est ce jour-là. Et donc il a dit, moi j'avais une invocation, parce que tous les messagers dans leur mission, ils ont droit à une invocation, et chaque prophète, ils ont fait cette invocation-là. L'invocation de Nuh, c'était que Allah subhanahu wa ta'ala détruise son peuple, hein? Et d'autres prophètes ont fait leur invocation pendant leur vie. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a gardé cette invocation-là pour sa umma au jour de la résurrection. C'est pour ça. Donc, il a dit, j'avais une invocation et je l'ai fait contre mon peuple. Alors, il a dit, moi, allez vers Ibrahim. Hein, sallallahu alayhi wa sallam. Fayatuna Ibrahim, fayakuluna anta nabiyullah wa khaliluhu min ahli al-ard. اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول لهم إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وذكر كذباته نفسي اذهبوا إلى موسى. Donc, ils sont allés voir Ibrahim par la suite, le prophète d'Allah, Abraham. Et ils vont dire, tu es le prophète d'Allah et son Khalil, hein, et son ami. Et tu es le prophète d'Allah et son ami parmi les gens de la terre. Intercède pour nous auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas dans l'état dans lequel nous sommes? Ne vois-tu pas ce qui nous arrive? Hein? Et Ibrahim va leur dire, mon Seigneur s'est mis en colère aujourd'hui d'une colère, hein, et il ne s'est jamais mis autant en colère auparavant, hein, et il ne va jamais se mettre autant en colère par la suite. Et il a mentionné certains mensonges qu'il avait fait, hein, des mensonges qu'il avait dit, qui en réalité ne sont pas vraiment des mensonges, mais il était tellement un prophète qui crée Allah subhanahu wa ta'ala que même ces choses-là dans lesquelles il avait une excuse, il considère comme un mensonge. On va mentionner les exemples de ça par la suite. Et donc il a dit allez, moi, allez voir quelqu'un d'autre. Et il a dit allez vers Moussa. Alors ils vont voir Moussa. Fayatuna Moussa sallallahu alayhi wa sallam, fayaqulun ya Moussa anta rasulullah, faddalaka Allah bi risalatihi wa bi taklimihi ala an-nas, ishfa' lana ila rabbik, ala tara ila ma nahnu fihi, ala tara ما قد بلغنا. فيقول لهم موسى صلى الله عليه وسلم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله, وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها, نفسي اذهبوا إلى عيسى صلى الله عليه وسلم. Donc la même chose qui est arrivée avec le prophète Moussa عليه السلام. Ils lui ont dit, oh Moussa, c'est toi le messager d'Allah, Allah t'a préféré par son message et le fait qu'il t'a parlé, il t'a choisi, il t'a préféré sur tous les hommes, intercède pour nous auprès de ton Seigneur, ne vois-tu pas dans l'état dans lequel nous sommes et ce qui nous est arrivé? Alors Moussa alayhi salam, il leur dit, certes mon Seigneur s'est mis en colère aujourd'hui d'une colère, il n'a jamais été comme cela en colère. Il n'a jamais été autant en colère dans le passé et il ne sera jamais autant en colère par la suite. Et il a dit, mais j'ai tué une âme que je n'avais pas été ordonné de tuer. Moi. Malgré qu'il ne l'avait pas tué intentionnellement, mais malgré tout, il considère ça comme un péché qui fait en sorte qu'il ne mérite pas d'aller demander la permission d'Allah pour intercéder. Donc il dit allez vers Isa, et donc ils vont vers Isa alayhi salam. Il dit fayatuna Isa fayaquluna ya Isa anta rasulullah wa kallamta an-nas fi al-mahd wa kalimatun minhu القاها الى مريم وروح منه فاشفع لنا الى ربك الا ترى ما نحن فيه الا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم عيسى صلى الله عليه وسلم ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر له ذنبا. نفسي اذهبوا إلى غيري, اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر, اشفع لنا إلى ربك, ألا ترى ما نحن فيه, ألا ترى ما قد بلغنا, فانطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي, ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول يا رب أمتي. فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة, وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب, والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما من مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى. Donc il a mentionné la fin du hadith ensuite à partir du moment où ils vont voir Isa alayhi salam et lui disent, oh Isa, tu es le messager d'Allah, tu es celui qui a parlé dans le berceau, tu es une parole que de la part d'Allah, que Allah a mis en Maryam, et une âme de sa part. Alors il a dit, intercède pour nous auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas dans qu'est-ce que nous sommes? Ne vois-tu pas dans qu'est-ce qui nous arrive? Et Isa alayhi salam va leur dire, mon Seigneur s'est fâché aujourd'hui d'une colère, il y a qui ne s'est jamais mis autant en colère auparavant, et il ne va jamais se mettre ainsi en colère par la suite. Et il a dit, il n'a pas mentionné de péché, mais il a dit seulement, moi, allez voir quelqu'un d'autre. Et il a dit, allez voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors ils vont aller voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ils vont dire, oh Muhammad, tu es le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Allah t'a pardonné ceux qui précèdent, et tes péchés passés et tes péchés à venir. Intercède pour nous auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas ce qui nous arrive? Ne vois-tu pas dans l'état dans lequel nous sommes? Alors il dit, je vais partir à ce moment-là, et je vais arriver sous le trône, et je vais tomber prosterné devant mon Seigneur. Et puis à ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala va m'inspirer, et il va m'apprendre ou me révéler des glorifications celui qui mérite ses invocations et ses éloges. Il va m'apprendre des glorifications, et il va me révéler des choses dans mon cœur. Il va lui faire connaître des nouvelles formes de glorification d'Allah et des éloges d'Allah qu'il n'a jamais donné à personne d'autre avant lui. Il dit, il va me faire connaître des glorifications d'Allah et des éloges d'Allah qu'il n'a jamais donné à personne avant moi. Et donc il va apprendre, il va connaître ces nouvelles éloges, ces nouvelles glorifications d'Allah. Et lorsqu'il va être prosterné en train de glorifier Allah de cette façon, à ce moment-là, on va dire, « Oh Muhammad, lève-toi, lève ta tête, demande et on va te donner, et intercède, et tu pourras intercéder. » Et à ce moment-là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va lever sa tête et il va dire, « Oh mon Seigneur, ma Ummah, alors on va dire à ce moment-là, ô Muhammad, fais rentrer au paradis de ta Ummah ceux qui n'ont pas de châtiment, ceux qui n'ont pas de jugement contre eux, de la porte droite des portes du paradis. En tout cas, et donc ça c'est pour dire, pour montrer qu'est-ce qui se passe au jour de la résurrection, et ça montre, ça c'est qu'est-ce qu'on appelle al-maqam al-mahmoud, la position de gloire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va avoir au jour de la résurrection. Et c'est seulement le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui aura cette intercession là personne d'autre que lui, parce qu'il a gardé cette invocation pour le jour de la résurrection, pour sa umma. Donc le cheikh Rabi, il explique maintenant ce hadith. Il dit, فهؤلاء الأنبياء كل منهم يعتذر ويقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم ويذكر خطيئته ويستحي من ربه أن يشفع لأن بعضهم وقع في الخطأ وبعضهم وقع في شبه الخطأ وإن كانوا قد خرجوا من هذا الخطأ وشبهه بتوبة لا نظير لها ولكن الحياة يلاحقهم حتى في الآخرة. Donc il dit le cheikh que ces prophètes là chacun d'entre eux va s'excuser de demander l'intercession, et il va dire, mon Seigneur s'est mis en colère aujourd'hui d'une colère, il n'a jamais été en colère comme ça auparavant, et ils vont mentionner chacun une faute qu'ils ont commise. Et cette faute fait qu'ils sont gênés de se présenter devant leur Seigneur pour intercéder. Et certains d'entre eux ont commis des erreurs, certains d'entre eux ont commis ce qui ressemble à une erreur, mais qui n'est pas une erreur réellement. Et donc, ils sont sortis, la plupart d'entre eux, de cette erreur-là, ou de ce qui est semblable à une erreur, par une grande repentance. Ils se sont tous repentis de chaque erreur qu'ils avaient fait, d'une grande repentance, mais malgré ça, ils ressentent encore la gêne qu'ils avaient et année d'avoir commis cette faute-là ou ce semblant de faute, et donc ça les suit jusque dans l'au-delà. Il dit فعلينا أن نستحي من الله في الدنيا والآخرة والله لا يرتكب والله لا يرتكب المعاصي والجرائم والظلم إلا من قل حياؤه أو عدم فالحياء أمر عظيم ومن فوائده الجليلة أنك ربما تهم بالمعصية فتذهب وتمشي إليها ثم تتذكر وتقول إن ربي يراني ويسمعني فتخجل وتخاف في نفس الوقت فيعني يدفع كذلك الحياء والخوف إلى الإحجام عن فعلها فالحياء رادع عظيم ووازع عظيم الحياء والخوف مع الإيمان الصادق فعلينا أن نقوي إيماننا وأن نغذي الحياء بدراسة سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من هذا الحديث ومنها هذا الحديث. Donc le cheikh il dit que on doit avoir aussi cette gêne d'Allah dans cette dunya et dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et il dit par Allah, quelqu'un parfois il dit par Allah, je jure par Allah qu'il n'y a personne qui va commettre des péchés et de l'injustice et des crimes excepté qu'il a peu de foi, excepté qu'il a peu de gêne, peu de haya, peu de timidité, peu de pudeur, ou pas du tout. Il dit parce que al-haya, cette timidité ou cette pudeur, c'est quelque chose de très grand, très important. Et parmi les bienfaits de cette pudeur et de cette timidité, c'est que peut-être que parfois tu as l'intention de faire un péché, de commettre un péché, et tu marches vers ce péché, et tu t'en vas vers ce péché, et puis au moment où tu es en train de te diriger vers ce péché, tu te rappelles d'Allah, et tu dis, mon Seigneur il me voit, mon Seigneur il m'entend, et donc à partir de ce moment-là, tu ressens de la gêne, et tu es embarrassé, et tu crains en toi-même en même temps, et donc cette gêne et cette timidité et cette honte, et cette crainte, elle t'amène à te retenir de faire ce péché-là. Et donc, cette gêne, c'est quelque chose qui repousse, et qui t'éloigne, et qui te retient de tomber dans ce genre de péché, de faire des désobéissances. Et donc, la timidité, la pudeur, la gêne, la crainte, ça fait des choses, avec la foi sincère, ça c'est des choses très très importantes pour le croyant. Et donc il dit, il faut absolument essayer de renforcer notre foi et de nourrir cette pudeur et cette gêne et cette timidité en étudiant la vie des prophètes. Et parmi les exemples de ça, qu'est-ce qu'on a lu dans ce hadith? Qu'est-ce qu'on a lu dans ce hadith? Et il dit, Al-Anbiya yastahoun أن يشفعوا في ذلك اليوم. Donc les prophètes ce jour-là ils sont gênés d'intercéder ce jour-là. Cheikh il dit فهذا نبي الله آدم عليه السلام يستحي أن يشفع نهاه الله أن يأكل من الشجرة فخدعه الشيطان وقاسمه بالله إنه لمن الناصحين وإنها شجرة الخلد وإنها لشجرة الخلد فخدعه وأكل منها وتاب وندم منه قال الله عنه وعن زوجه عليه السلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فتاب الله عليهما ومع ذلك يأتي يوم القيامة مستحيا Il dit, regardez les prophètes, comment ils sont gênés au jour de la résurrection. Le prophète d'Allah, Adam, alayhi salam, il est gêné d'intercéder. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, lui avait interdit de manger de l'arbre, du fruit de l'arbre. Et le shaitan l'a trompé. Et il lui a juré par Allah qu'il était parmi les conseillers sincères. et que c'était un arbre de l'éternité, que s'il en mangeait, il allait être éternel. Alors, il a été trompé par le shaitan et il a mangé de cet arbre. Puis, par la suite, il s'est repenti et il a eu des remords de l'avoir fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au sujet de Adam et de sa femme, de son épouse, il dit dans le verset 23 dans Surat Al-A'raf, notre Seigneur, hein, les deux ont dit, c'est-à-dire Adam et sa femme, Hawa, ils ont dit, notre Seigneur, nous nous sommes fait de l'injustice à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et que tu ne fais pas miséricorde, nous serons certes du nombre des perdants. Alors Allah subhanahu wa ta'ala est revenu vers eux et a accepté leur repentance. Et malgré cela, au jour de la résurrection, il a quand même de la gêne. Et il est quand même gêné de partir demander l'intercession. Et donc il s'excuse de ne pas pouvoir intercéder et il dit, j'ai commis une faute. ونوح دعا على قومه الكفار ومع هذا اعتبر ذلك خطيئة فيستحي ويخجل منها ويعتذر عن الشفاعة وإبراهيم عليه السلام يعتذر عن الشفاعة بأنه كذب ثلاث كذبات وفي ذات الله في ثلاث كذبات في ذات الله والله هي توريات ولكنه أطلق عليها أنها كذب وهي توريات ليست بكذب حقيقي ليست بكذب حقيقي وبعضها يعني مثل قوله عن زوجته إن هذه أختي يعني أخته في الإسلام وليست بكذبة ومع هذا من شدة خوفه من الله وحيائه منه وعلو منزلته عند الله عز وجل يرى أن هذا خطأ ويراها ذنوبا يخجل منها يخجل من الله وهو خليله عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الأنبياء بعد محمد عليه الصلاة والسلام وأبو الأنبياء فما بعث الله من نبي بعده إلا من ذريته. Donc le cheikh il dit que ensuite il y a eu Nuh qui est venu à son peuple et يعني Nuh, il avait invoqué contre son peuple, qui était des kuffars, et malgré ça, il a considéré que cette invocation-là contre son peuple était une erreur qu'il avait faite, une faute de sa part. Et donc, il était gêné, il avait honte de demander l'intercession. Et donc, il s'est excusé de ne pas pouvoir intercéder pour eux. Et Ibrahim alayhi salam, il s'est excusé aussi de l'intercession et il a dit qu'il avait fait trois mensonges, il avait menti trois fois et il a menti dans des cas où c'était pas vraiment des mensonges, c'était plutôt des qu'est-ce qu'on appelle en arabe tawriyat, comme par exemple, c'est pas des vrais mensonges, comme lorsqu'il a dit à propos de son épouse, lorsqu'il était là, il est arrivé devant Nimrod, parce que la femme, l'épouse d'Ibrahim, alayhi salam, elle était très belle. Et donc, il savait que s'il disait à Nimrod que c'était sa femme, il allait le tuer pour la prendre pour lui. Alors, il a dit, c'est ma sœur. Et lui, il veut dire, c'est ma sœur en islam. Et donc c'est vrai, il n'a pas menti. Mais l'autre, il pense qu'il dit c'est sa sœur dans le sens sa sœur, yani de sang. Mais c'est ce qu'on appelle en arabe tawriya. Tawriya. C'est comme si tu dis la vérité, mais ça veut dire tu dis la vérité, mais en même temps la personne à qui tu parles, elle ne sait pas réellement de quoi tu parles. Est-ce que tu parles de qu'est-ce que lui il pense, alors que toi tu penses à quelque chose d'autre au moment où tu dis cette chose-là. Donc lui il comprend ce qu'il veut comprendre et toi tu comprends qu'est-ce que toi tu veux comprendre de cette chose-là. Et ça c'est dans le but justement, comme dans ce cas-là, d'éviter des problèmes. Tu vois, donc c'est pas un vrai mensonge. C'est pas un mensonge. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit c'est ma sœur. Et en réalité c'est vrai parce que c'est sa sœur en islam. Naam, donc ça c'est un exemple. Donc il dit, malgré que c'était pas un mensonge, il avait tellement peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tellement il était gêné d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à cause aussi de son statut élevé auprès d'Allah, il a considéré ça comme étant une erreur, et il l'a vu comme des péchés qu'il avait fait, et il avait peur, et il était gêné d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que c'est l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le meilleur des prophètes, parmi les prophètes d'Allah. Et subhanallah, le meilleur des prophètes parmi les prophètes d'Allah après Mohammed alayhi salatu wassalam, et c'est lui le père des prophètes, car il n'y a pas un prophète qui est venu après lui excepté qu'il faisait partie de ses enfants. Ensuite le cheikh il dit wa waradat ayat tanfi ash-shafa'a wa hiya fil kafirin wa ayat ukhra tuthbitu ash-shafa'a wa hiya fil mu'minin kama dhakarna lakum. فيأتي المعتزلة والخوارج فيتعلقون بالآيات التي يعني تقصد الكفار الذين لا تغفر ذنوبهم بحال من الأحوال. والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية نستفيد منها أن الله يغفر لعباده المذنبين الموحدين أو عباده عموما ما عدا الشرك. فمن لقي الله لا شرك لا يشرك به شيئا موحدا لله تبارك وتعالى فإنه لا بد أن يخرج من النار بإيمانه إما برحمة أرحم الراحمين وإما بشفاعة الشافعين لا بد من هذا. Donc le cheikh il dit que il y a des versets dans le Coran qui mentionnent la négation de l'intercession. Et ça, c'est à propos des kafirines, des mécréens. Il y a d'autres versets dans le Coran et dans la Sunna, et des hadiths dans la Sunna qui affirment l'intercession pour les croyants. Comme on l'a mentionné au début, et il dit que, malgré tout, tu vois que les Mu'tazila et les Khawarij, hein, les gens de Bid'a, ils s'accrochent à des versets qui sont révélés au sujet des kuffars et au sujet desquels Allah mentionne que leurs péchés ne seront pas pardonnés dans aucun cas, et comme le verset 48 dans sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie Allah certes ne va pas pardonner le shirk, hein, ne va pas pardonner qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché qui est moindre que le shirk à qui il veut. Donc le cheikh il dit qu'on peut comprendre de ce verset là que Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner à ses serviteurs qui ont commis des péchés parmi les gens qui sont sur le tawhid, parmi les gens hein, qui sont sur le tawhid du moment qu'ils n'ont pas commis de shirk, du moment qu'ils rencontrent Allah subhanahu wa ta'ala sans rien avoir associé avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, et qui sont morts sur le tawhid à ce moment là même s'ils ont commis des péchés autres que le shirk, ils vont sortir tôt ou tard de l'enfer par leur foi, peu importe la quantité ou le degré de leur foi, hein, même si c'est une graine de blé ou une quantité égale au poids d'une atome, ils vont sortir de l'enfer soit par la miséricorde du plus miséricordieux des miséricordieux Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien également par l'intercession des intercesseurs, et ça c'est certain. Et il dit ensuite ووردت أحاديث في الشفاعة مثل حديث أبي سعيد وحديث أنس وحديث أبي هريرة وهذه الأحاديث أن الله يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان ممن قال لا إله إلا الله. ونستفيد منها أن من لقي الله يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا يخرجه الله من النار ولو كان عنده أدنى مثقال ذرة من إيمان. وذلك أن الإيمان يزيد وينقص, يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي, فينقص وينقص إلى أن لا يبقى منه إلا مثقال ذرة فيخرج الله به أقواما من النار. Donc le cheikh il dit, il y a des hadiths qui sont mentionné au sujet de l'intercession. Et il a mentionné des hadiths comme celui de Abu Saïd, celui de Anas, celui de Abu Huraira, et il y en a d'autres également. Et il dit en note de bas de page, yani "Unzur kitab al-shafa'a al-sheikh Muqbil al-Wadi'i al-Allama Muqbil al-Wadi'i rahimahullah faqad jama'a ahadith al-shafa'a wa bayyana sahihaha min saqimha فقد أجاد وأفاد جزاه الله خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناته. Donc il dit, regardez également le livre de Cheikh Muqbil Al-Allama, Cheikh Muqbil Rahimahullah, parce qu'il a écrit un livre sur l'intercession. Le livre s'appelle Al-Shafa'a, et dedans il a réuni les hadiths au sujet de l'intercession, ceux qui sont authentiques et ceux qui sont faibles, et il a bien expliqué et bien clarifier ce sujet-là, que Allah le récompense dans le bien et qu'il mette cela dans sa balance des bonnes œuvres. Et donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que dans ces hadiths-là que c'est les sahabes ont rapporté au sujet de l'intercession, il y a la mention du fait que Allah subhanahu wa ta'ala va faire sortir de l'enfer quiconque avait yani subhanallah adna adna adna. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus petit, plus petit, plus petit que le poids d'une graine ou le poids d'une atome de foi. Hein? Donc même celui qui avait dans son cœur plus petit, plus petit, plus petit que yani une atome de foi. Parmi ceux qui ont dit rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, c'est-à-dire la ilaha illallah. Et on peut tirer de ça que celui qui rencontre Allah en ayant témoigné que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et qui a été pur et sincère dans son témoignage, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va le faire sortir de l'enfer. S'il est rentré à l'enfer, il va le faire sortir même s'il avait moins que le poids d'une atome de foi. Et cela, et il dit, et cela parce que la foi elle augmente et elle diminue, et elle augmente avec les actes d'obéissance et elle diminue avec les péchés, et elle peut diminuer jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien que le poids d'une atome. Et donc à cause de cela la personne, Allah fait sortir de l'enfer ces gens-là, hein, même s'ils avaient moins que le poids d'une graine ou le poids d'une atome de foi. Naam. Et donc ça c'est pour montrer, hein, en même temps la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pour réfuter en même temps les khawarij qui font le takfir des musulmans qui font des péchés, hein, et qui les déclarent kuffar et qui pensent qu'ils vont être en enfer pour l'éternité, hein, et la même chose que les mu'tazila. Donc ça c'est tout ça c'est des gens qui ont contredit les preuves du Coran et de la Sunna. Et donc le cheikh il dit ensuite, voilà, donc c'est pour ça que lorsque vous voyez des hadiths qui mentionnent des punitions pour des péchés, ou qui dit un tel, celui qui fait ça, il va être en enfer, il va avoir telle punition, il va avoir telle punition, ça ne veut pas dire qu'il va être éternellement en enfer. S'il est mort sur le tawhid, si Allah décide de le mettre en enfer par sa miséricorde, par sa justice, il va le mettre en enfer, mais il ne va pas le laisser éternellement en enfer. Les seuls qui vont demeurer éternellement en enfer sont les gens du shirk, qui ont commis du shirk majeur et du kouf majeur parmi les kuffars et les mushrikines, hein? Donc ceux-là vont rester éternellement en enfer, mais tous les autres qui sont morts sur le tawhid, qui n'ont rien associé avec Allah, même s'ils avaient une foi qui était plus faible que une atome de foi, ils vont sortir de l'enfer tant qu'ils n'ont pas commis de shirk. Et donc le cheikh il dit, walakin la yanbaghi lil muslim an ya'tamida ala shafa'a wa yatajarra ala al ma'asi fa inna dhalika khataran 'aziman. Le cheikh il dit, et ça veut pas dire que le musulman il doit se baser sur l'intercession puis avoir l'affront et se permettre de faire tous les péchés et de dire ah c'est pas grave, hein, je vais avoir l'intercession, je peux faire tous les péchés que je veux parce que je vais pas rester en enfer pour l'éternité. Il dit ça c'est un très grand danger si tu fais ça, et il donne des explications. Il dit faqad yartadda al-muslim li'anna al-ma'asi baridul kufr. فقد تجره معاصيه إلى الكفر والخروج من الإسلام بأن ينقص إيمانه وينقص إلى أن يزول بسرعة بارتكاب مكفر فلا يغفر الله له ولا يأذن بالشفاعة فيه بل يكون مصيره الخلود في النار. Donc premièrement, hein, pourquoi c'est très dangereux de penser ça, de se dire ah ça y est je vais avoir l'intercession donc je peux faire tous les péchés que je veux, c'est pas grave. Pourquoi c'est dangereux? Le cheikh il dit parce que celui qui agit comme ça, c'est possible qu'il apostasie et qu'il quitte l'islam à force de faire trop de péchés. Pourquoi? Parce que les péchés sont les messagers de la mécréance. Le péché, c'est les messagers de la mécréance. Dans le sens que ces péchés peuvent l'amener à faire du kufr par la suite et à sortir de l'islam parce que ça diminue sa foi. Ça diminue sa foi jusqu'à ce que sa foi disparaît très rapidement en faisant par la suite un acte qui est kufr. Et donc Allah à partir de ce moment-là ne lui pardonnera pas et il ne va pas permettre qu'on intercède pour lui. Et donc sa destination sera d'être éternellement en enfer à cause de ça. Wal'iyadhu billah. Et il dit ensuite wa thaniyan wa in lam tasil bihi dhunubuhu wa ma'asihi ila al-kufr bal kana mimman laqiya Allah bi shay'in min al-iman ma' at-tawhid lillah يعني وعز وجل والصدق في هذا الإيمان ولو كان مثقال ذرة فإنه يخرج من النار بالشفاعة إذ أن الله أن من لقي الله لا يشرك به شيئا كان إيمانه خالصا لله عز وجل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو مخلص في ذلك ويلقى الله بذنوب أمثال الجبال فإن شاء الله عفى عنه كما في حديث البطاقة وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم بعد ذلك يخرجه بإيمانه وتوحيده وإخلاصه لكن من منكم مستعد أن يبقى 50,000 سنة في النار وهذا الذي يمنع الزكاة يلبث 50,000 سنة في العذاب فكيف بالذي يمتنع عن الصلاة. A'udhu billah. A'udhu billah. Donc le cheikh il dit c'est possible que tes péchés ne vont pas arriver jusqu'au niveau de la mécréance. C'est possible que tes péchés ne vont pas arriver jusqu'à atteindre le degré ou le niveau de la mécréance. Hein? Mais que tu sois parmi ceux qui vont rencontrer Allah avec la foi, avec le tawhid d'Allah, avec la sincérité dans ta foi, hein, même si c'était juste une atome de foi, hein, et par cela tu vas sortir du feu de l'enfer par l'intercession, hein, parce que celui qui rencontre Allah sans avoir associé rien avec lui et qui avait une foi sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah et qu'il est sincère en le disant, il rencontre Allah. Même si ses péchés sont aussi grands et nombreux que les montagnes, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il désire lui pardonner, hein, et l'épargner, eh bien il va le faire. Comme dans le hadith de la carte. Le hadith de la carte. Hein, vous connaissez le hadith de la carte? Naam. Donc si Allah veut, il va lui pardonner. Il va lui pardonner selon la quantité de ses péchés. Et il dit, puis, yani, c'est possible que Allah subhanahu wa ta'ala le fasse rentrer, hein, le fasse rentrer en enfer, puis qu'il le fasse sortir par sa foi, et par son tawhid, et par sa pureté d'intention, et la pureté de son tawhid. Hein? Mais, après combien de temps tu vas sortir, tu sais pas. Et qui, le cheikh il dit, qui est prêt à rester 50 000 ans en enfer? Qui est prêt à rester 50 000 ans en enfer? Il dit, celui qui refuse de payer la zakat, il reste 50 000 ans en enfer. Alors comment, hein, qu'est-ce qu'on va dire de celui qui refuse de faire la salat? Si celui qui refuse de payer la zakat, il reste 50 000 ans en enfer. Qu'est-ce qu'on peut dire de celui qui refuse de faire la salat? Hein? Donc le cheikh il dit, c'est rapporté par l'imam Muslim dans le kitab al-zakat, selon Abi Huraira radiyallahu anhu, il dit: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Abu Huraira radiallahu anhu, il a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit: toute personne qui a de l'or et de l'argent mais qui ne donne pas son droit de la zakat, au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala, il va chauffer des plaques de métal, il va chauffer des plaques dans le feu de l'enfer, et il va les faire devenir rouges et il va avec ce fer il va lui chauffer lui brûler ses côtés et son front et son dos, et à chaque fois que ça va refroidir, il va le refaire chauffer encore dans l'enfer, puis recommencer comme ça dans un jour dont la durée est de 50,000 ans. Qui est capable de supporter ça? A'udhu billah. Donc le cheikh il dit: فَلَا يَتَسَهَلُ الْإِنسَانُ وَيَعْتَمِدُ عَلَى أَحَدِيثِ الشَّفَاعَةِ وَيَقُولَ الْأَنْبِيَاءُ وَالصَّالِحُونَ يَشْفَعُونَ فِي أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّمَا يَجِبُ أَنْ تَخْشَى اللَّهَ وَتَخَافَهُ وَأَنْ تَجْتَهِدَ فِي الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ ولا تتمادى في الذنوب بل تبادر الى التوبه. Donc le cheikh il dit, tu dois pas, l'être humain doit pas prendre ça à la légère, puis se baser sur les hadiths de la shafa'a, de l'intercession, puis il va dire: ah, les prophètes et les hommes pieux vont intercéder pour les gens de l'enfer, donc c'est pas grave. A'udhu billah. Il dit, tu dois obligatoirement craindre Allah, craindre Allah et avoir peur d'Allah et faire des efforts pour faire des bonnes œuvres, et ne pas persister à continuer à faire des péchés. Précipite-toi et dépêche-toi à te repentir. Le cheikh il dit ensuite: إن وقعت في ذنب تب إلى الله عز وجل فالله عز وجل مدح الذين لم يصروا على الذنوب فقال عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وفي الحديث الصحيح: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه والعياذ بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقال عز وجل: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Donc le cheikh il dit, lorsque tu fais un péché, repens-toi tout de suite, attends pas. Allah subhanahu wa ta'ala il glorifie dans le Coran ceux qui, lorsqu'ils font des péchés, ils ne persistent pas à continuer à le faire. Et il mentionne le verset 135 dans surat Al-Imran: ceux qui, lorsqu'ils font une turpitude ou qu'ils se font de l'injustice à eux-mêmes, se rappellent d'Allah et tout de suite ils demandent pardon à Allah pour leurs péchés. Et qui pardonne les péchés excepté Allah? Et ils ne persistent pas sur ce qu'ils ont fait alors qu'ils savent. Et il dit dans le hadith authentique: prenez garde aux péchés qui sont al-muhaqqarat. Faites attention aux péchés que vous, des fois que vous, peut-être vous les considérez pas comme grands, vous les considérez comme des petits péchés négligeables, des petits péchés pas graves. Comme je dis, ah, c'est pas grave ce péché-là. Il dit, ils sont petits, donc, vous, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, parce qu'ils se réunissent autour de l'homme jusqu'à ce qu'il le fasse périr. Jusqu'à ce qu'il le fasse périr. Et ça, c'est rapporté par l'imam Ahmed. Et c'est un hadith rapporté selon Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, et il est authentique, comme Cheikh Al-Albani l'a mentionné. Et il dit, dans un autre hadith aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, craignez l'enfer même par la moitié d'une date. Même par la moitié d'une date. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, craignez l'enfer dont le combustible et les hommes sont les hommes et les pierres préparés pour les mécréants. Wal-usat kathirun. كثير منهم يشاركون الكفار في هذه النار. Parfois les musulmans ils vont lire un verset, il dit l'enfer préparé pour les mécréants. Donc il dit ah mais moi je suis pas mécréant, donc l'enfer est pas préparé pour moi. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des gens qui sont sur le tawhid et qui sont dans l'islam et que ils vont rentrer en enfer. Ils vont être avec les koufas dans l'enfer, mais ils vont pas être éternellement dans l'enfer, mais ils vont quand même être dans l'enfer. Et comme le cheikh il l'a dit, est-ce que tu vas supporter de rester en enfer? C'est ça, hein? Ça c'est si, yani subhanallah, ça c'est si on meurt sur la foi, que Allah nous préserve, hein? Allah musta'an. Donc le cheikh il dit, wal usat kathirun minhum yusharikun al kuffara fi hadhihi al nar. وإن خرجوا بالشفاعة ولكن من منا مستعد أن يبقى في النار دهرا والعياذ بالله ويلقى العذاب على معاصيه في عرصات القيامة أهل الطاعة في ظل العرش ينعمون وهم أهل المعاصي أهل المعصية في وهج الشمس يعني يقربون من الجحيم والهلاك والعياذ بالله يتقلقلون ويتململون ويعانون من المخاوف والأهوال ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. Donc le cheikh il dit les pécheurs aussi, beaucoup d'entre eux vont être réunis dans l'enfer avec les kuffars, mais ils vont sortir par l'intercession par la suite, oui, mais qui est prêt de rester dans l'enfer, wal'iyadhu billah, même un petit temps. Hein? Il dit, yani Allah, yani ils vont rencontrer le châtiment à cause de leurs péchés, au jour de la résurrection. Même dans l'attente du jugement, ils goûtent déjà à des châtiments. Les gens de l'obéissance, ceux qui étaient dans l'obéissance d'Allah dans cette vie, eux, ils vont être sous l'ombre du trône. Au jour de la résurrection, ils vont jouir de l'ombre du trône, à la fraîcheur. Ils ne goûtent pas à la chaleur, ils ne goûtent pas à la détresse. Mais les gens du péché, ils sont sous la chaleur brûlante du soleil qui est proche de leur tête et qui est proche de l'enfer, wal-halak, il y en a de la perdition. Ils sont tourmentés. Hein, tourmentés par leur péché, par la crainte, par la peur de tout ce qui est là de devant eux. Et on ne peut pas savoir, excepté Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il y a comme crainte ce jour-là. Donc le shaykh il dit, وَالشَّاهِدْ أَنَّ الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ كَمَا ذَكَرْنَا لَكُمْ هِيَ أَحَادِيثِ وَرَدَتْ فِي الصِّحَاحِ وَغَيْرِهَا البخاري ومسلم وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان ومسند أحمد والمسانيد والمعاجم والسنن كلها فيها هذه الأحاديث وهي كثيرة وتبلغ حد التواتر. أي نعم، وتبلغ حد التواتر. وكل هذه الآيات والأحاديث يتأولها الخوارج والمعتزلة مثل تأويل المكذبين والعياذ بالله، ويحرفونها مع الأسف الشديد ويكابرون في دفعها، ويرون أن من دخل النار لا يخرج منها، ويحتجون بآيات وردت في الكفار، ومنها قوله تعالى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. الله عز وجل نص على أنه كذب وتولى، والذي وهذا الذي دخل النار بذنوبه لم لم يكذب الآية حجة عليهم، وهذه من الآيات التي يحتجون بها، ومنها قوله ثم لا يموت فيها ولا يحيى، والمقتصدون بها الكفار يعني. ويقول الله تبارك وتعالى ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، هذه معصية الكفر والشرك، بدليل أن هناك آيات تنص أن على أن الله لا يقبل الشفاعة في العصاة، والأحاديث متواترة في أن الله تبارك وتعالى يقبل الشفاعة في العصاة ويأذن بالشفاعة يعني بالشفاعة في العصاة. نعم. Donc on va terminer avec qu'est-ce qu'on a lu en arabe maintenant. On va expliquer la signification de ce dernier passage et puis on va inshallah s'arrêter pour aujourd'hui avec ça inshallah. Et donc qu'est-ce qu'il dit pour terminer le cheikh? Il dit donc pour témoigner, pour dire yani, qu'est-ce qu'on voulait dire de tout ce qu'on a mentionné, c'est que les versets et les hadiths comme on l'a mentionné sont de nombreux hadiths, les hadiths qui sont mentionnés dans As-Sihah Al-Bukhari, Muslim, et les Sunan, Abu Dawud, Al-Nasai, Al-Tirmidhi, Ibn Majah, Sahih, Ibn Khuzaymah, la Mustadrak de l'imam Al-Hakim, et le Sahih de Ibn Hibban, la Musnad de l'imam Ahmad, l'imam Sanid, l'imam Ajim, et les Sunan, et beaucoup d'autres. On trouve dedans tous ces hadiths-là, et quand on les rassemble ensemble, eh bien on voit que yani, c'est des hadiths qui sont mutawatira. C'est-à-dire ils sont ramenés par tellement grand nombre de narrations que c'est pas possible hein, qu'elles soient pas authentiques. Donc ça c'est quelque chose qui est clair. Et on a mentionné des choses à ce sujet-là déjà. Donc ensuite le cheikh il dit, donc tous ces hadiths et ces versets, les khawarij et les mu'tazila essaient de les déformer, essaient de les nier, de les renier. Wala'iyadu billah. Ils les déforment de leur réelle signification. Et ils agissent de façon orgueilleuse pour les repousser, pour les rejeter. Et ils pensent que celui qui rentre en enfer, il n'en sortira jamais. Et ils se basent sur les versets qui parlent des koufars. Hein? Ils ne font pas la distinction entre les pécheurs et les koufars. Pour eux, les koufars et les pécheurs, c'est la même chose. Donc il dit, le cheikh, parmi les exemples de versets qu'il mentionne, le verset 15 et 16 dans Surat al-Layl. La yaslaha illa al-ashqa. C'est-à-dire, nul ne va y brûler, excepté le malheureux, celui qui a démenti et qui s'est détourné. Et donc, le cheikh, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset qu'il a démenti et qu'il s'est détourné. Donc, celui-là qui rentre, c'est pas celui qui a commis des péchés, c'est celui qui a démenti. Celui qui n'en sortira jamais, celui qui va brûler en enfer pour l'éternité, c'est celui qui a démenti, qui s'est détourné. Mais celui qui a commis des péchés, c'est pas la même, c'est pas, il y a rien qui dit qu'il ne va pas en sortir. Et donc le cheikh il dit, ce verset-là en réalité est une preuve contre eux, Et ça c'est des exemples de versets qu'ils utilisent. Parce que dans le verset, ça dit « Nul ne va y brûler, excepté le malheureux, celui qui a... Yani, »« Nul ne va y brûler, excepté le malheureux, celui qui a traité de mensonge et qui s'est détourné. » Et l'autre verset que le cheikh a mentionné, le verset 13 dans Surat Al-A'la, « Il n'y meurt pas et il n'y vit pas. » En parlant de l'enfer, c'est-à-dire les koufars qui sont dedans, « Il n'y meurt pas et il n'y vit pas. » Et on veut dire par là les koufars, non pas les gens qui ont commis des péchés. Et après le cheikh il donne un autre exemple aussi de verset que les khawarij utilisent parfois, le verset 23 dans Surat al-Jin. Il dit, Allah dit ce qui signifie dans ce verset, et celui qui désobéit à Allah et à son messager, il aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Et le cheikh il dit, qu'est-ce qu'on veut dire ici celui qui désobéit à Allah et son messager? On parle de la désobéissance par le kouf et le shirk. La preuve c'est qu'il y a d'autres versets qui prouvent que celui qui a celui qui a fait des péchés, Allah va accepter pour eux l'intercession. Et il y a plein de preuves dans ça, dans les hadiths authentiques et mutawatira, que Allah va accepter l'intercession pour les pécheurs. Et même il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que la shafa'a c'est pour les gens des kaba'ir de ma umma, les gens qui ont fait des grands péchés. Donc c'est la preuve que ces gens-là, Allah musta'an, ils rejettent la vérité alors qu'elle est claire. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah, puis on continuera qu'est-ce qui reste à expliquer au prochain cours de la question de la shafa'a. Il reste encore quelques pages à clarifier sur ça. Et puis après, il y a, inshallah, l'explication, il y aura l'explication des points suivants, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa iyyakum, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.